En Corée, sous les auspices communs de l'Agence internationale de Pyongyang d'échange des nouvelles informations techniques et économiques et du groupe scientifique du district du Mongbaektu, le séminaire international sur le volcan du Mongbaektu a eu lieu du 9 au 11 courant au Palais des sciences et techniques, sanctuaire des études de tout le peuple. Y étaient présents les volcanologues et géophysiciens coréens, britanniques, américains, canadiens, allemands et chinois. Ils ont publié les résultats de leurs recherches sur le volcanisme et l'histoire géologique et environnementale du district du Baektu et d'autres sujets avant d'échanger leurs vues sur les questions d'intérêt commun. L'ambassadeur britannique à Pyongyang, Alastair William James Mogun, a offert le 10 un banquet consacré à la réussite du séminaire.